Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'Abba. Bonsoir, monsieur Melon. Salut Grégoula. Bonsoir David, à la technique ce soir. On se retrouve pour une nouvelle émission du secret du son d'Abba. Et ce soir, on attaque fort avec un premier extrait de l'excellent album de Buildings. Les gars de trio de Minneapolis sortent un petit brûlot noise rock comme on les aime. Il s'appelle Mad Cry Sleep. Il vient de sortir chez Catchco Productions et Double Plug Good Records. C'est sûrement l'une des bombes 2012 en termes de noise rock. Bien typé années 90 comme on les aime, mais aussi bien dans l'air du temps, à la Clock Kinners, à la Hawks, et etc. On écoute un premier extrait de Buildings dans le secret du son d'Abba. Buildings dans le secret du son là-bas avec voilà, l'une des sorties marquantes de la scène noise rock américaine et vraiment l'album est vraiment il est chaud brûlant tout en voix comme ça là parce que ouais, vraiment surtout que c'est que le début de l'album et le reste en voix vachement plus grave. Cool. Et tout est crescendo, c'est hyper bien senti, voilà, c'est vraiment très très chouette, c'est leur deuxième album, moi je connaissais pas le précédent et vraiment c'est inloupable, voilà. Bah, les chroniques vont tomber à gogo, vous allez voir, vous allez entendre parler, c'est pas possible. On poursuit avec le deuxième maxi chez Ninja Tune de Slackabed. On a déjà passé le petit gars de 22 ans qui s'appelle Greg, j'ai oublié son nom de famille. Et donc il revient avec un nouveau maxi avant l'album qui doit sortir courant 2012. Voilà, bah, comme cette nouvelle signature est très attendue et attendue au tournant par autant les fans d'Amon Tobin que des nouvelles vagues dubstep, etc. Parce que, ou du son post-dubstep, pop the step, mais aussi toute la scène dit de Los Angeles, IDM de Los Angeles, incarnée par Flying Lotus. Voilà, Slugabed se trouve un peu dans tout ça, c'est un peu encore une compilation de toutes ces influences, c'est pas toujours hyper bien digéré, mais il n'empêche, il sort encore sur ce maxi des très bons morceaux. On écoute un extrait tout de suite dans le secret du son là-bas, Slugabed, dans le secret. Thank you. bummer of habit. Is there plenty big enough to cave your head in? Sweet clot, you are what you are. Sweet clot, you is what you is. You feel it now, misplaced by you. I want to talk, I wish I were dead. Et non, mon cher Greg, Chouchou ne fonctionnera jamais auprès du grand public. Mince. Ouais, qui parie toujours sur l'explosion totale et médiatique, évidemment, et en vente de 10, je l'espère, pour mon autre ami Jimmy. Donc Chouchou, et il semble-t-il, c'est pas encore une fois que Jimmy va péter les scores. Pourtant, il vient de signer sur Polyvinyl aux États-Unis et Bella Union en Europe, donc des gros labels hyper installés dans l'indie rock, dans le Landerneau indie rock. Et pourtant, j'allais dire d'autant moins qui me semble que ça n'est pas un des grands disques de Chouchou Soul West. Mmh. C'est un bon disque, c'est un disque où je retrouve un certain nombre de choses que j'aime. Un certain nombre de choses qui m'agacent aussi, dans le côté plaintif par moments, un peu too much. Et il y a tout ce qu'on aime et tout ce qui nous agace chez Chouchou dans ce disque. Voilà, après au public de trancher, mais bon, s'il se penche sur la question, le public en question. En tout cas, Chouchou, lui, Jamie Stewart continue sa route. Est en tournée, passera par Paris et 2-3 autres villes, Marseille, évitera Bordeaux. Soigneusement l'Ouest. On n'aura pas notre avis sur la question en concert. Je ne sais même pas avec quelle formule il tourne là. Est-ce qu'il est en solo? Avec qui? On ne sait plus trop là. Mais écoute, bon. Moi j'ai pas eu l'occasion de le voir depuis 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans. La dernière fois c'était un quatuor qui fonctionnait vraiment hyper bien. C'était ça sonnait très front wave, comme dirait l'ami Gwendal, mais au meilleur sens du terme, et c'était vraiment puissant, enlevé. Moi j'avais vraiment adoré, et c'était au point éphémère. D'ailleurs, c'est là qu'il rejoue courant en mars, je crois. Voilà. Always, de nouvel album de Chouchou, qu'on vous conseille de. Toujours, hein. Qu'on vous conseille d'aller écouter pour faire votre propre idée. Terre de contraste, vous le savez, c'est le secours du comme dirait toujours l'ami Gwendal. T'as le droit de demander des droits d'auteur, Gwen. Ouais, on va finir par se faire alpaguer là-dessus, quoi. Ouais. On attend toujours la SSM, mais au moins, Gwendal, tu peux venir. Madi P, hip-hop, break, IDM. Ça fait longtemps qu'on croise un petit peu hein, le nom de cet Américain, Matthew Peters. Notamment chez Ad Nauseam, un label qu'on suit de longue date, hein, qui a fêté ses 10 ans l'an dernier ou l'année d'avant, je sais plus bien, à force. Toujours des disques produits avec un goût certain, Il faut savoir que c'est un musicien, on va dire, classique de formation, violoncelliste. Une des phases d'ailleurs du EP 4 titres qu'on va s'écouter est d'ailleurs, on va dire, enluminée d'arrangements de cordes un petit peu doucereuses comme ça, de violoncelle qu'il a fort probablement joué lui-même. Donc là, on est vraiment dans du hip-hop électro, dans une veine mi-soyeuse, mi-glacée, là, largement creusée, empruntée depuis les disques parus au début des années 2000 du côté de chez Funkstone, Chris De Luca et compagnie. En tout cas, c'est un chouette EP, moi, que j'avais dans mes bacs, j'allais dire, depuis un petit bout de temps. Ça fait presque un an qu'il est sorti à force, pourtant chez un label ami qui s'appelle Marasme, qui a fêté ses 10 ans lui aussi, que moi je suis de longue date. Voilà, c'est des copains, des gens qui sont aventureux, qui n'hésitent pas, voilà, qui prennent des risques, qui ont été les premiers, je crois, si je dis pas de bêtises, à sortir les Solar Skeleton, enfin tu vois un peu l'esprit, et voilà, on a plaisir à leur faire un petit coup de projecteur. Ça s'appelle le morceau s'appelle Bipolite, le EP 4 titres, donc le Marasme 24, c'est Beat Downs and Down Beats, et on va s'écouter ça tout de suite en galette de cire comme il se doit. Mad Hippie dans le secret du son là-bas. N-O-N, Shadow Hunters. I am no villain, but further from a hero than $1 to $1 billion. Music for the children, skeptics and willing. The world made you numb, then you come and catch a villain and arrive by the millions. Upgrade the built-in, hardline secure, connected and respected, so expect more. From the heavens down to the hardcore, I'm far more creative than my native art form. You are torn with a question, ask it. Are you amazing or just merely fantastic? Back to the drastic, melt those plastic toy MCs with these bombastic. Stand at the altar, married to the game, rock hard like Gibraltar. Never will I falter, a trip, I'm well equipped, gave birth to this. Walk with it on my hip, come and get served, don't forget my tip. Truly a blood sport, we ride unruly, the Michael drip movies. 5D step to me and stand next to thee. One man plot twist in his life just like a movie. Be polite, be professional, be ready to kill. Sudden impact, death syndrome, gray on a hill. Be polite, be professional, be ready to kill. Back from a second life, brave as hell. Be polite, be professional, be ready to kill. Sudden impact, death syndrome, brave on a hill. Be polite, be professional, be ready to kill. Sign on the dotted line with blood on the quill. It sounds so simply on the beat, invoke the entity. I feel a spirit into me, line up centrally, helps me focus mentally. In the industry from giving me, actually I got the limp in me. Written contractually, worded exactly, below and above. Business back me, I got love. Since peak fuzz, lunch money, 3 o'clock fights with punch dummy. Rabbit two and jump bunnies with heaters, they on repeater. Hate the instructions of eager, countless thankless bankers. I'm Symmetron, I kill all static. The music's like a drug, gotta have it, needless to say. Today, like every shadow hunter, light-hearted or heavy, non-lethal or deadly. Stay ready, pray steady, pin up a veil, looking for a crack in the shell, caught between heaven and hell. Be polite, be professional, be ready to kill. Sudden impact, death syndrome, rave on a hill. Be polite, be professional, be ready to kill. Back from a second life, brave as hell. Be polite, be professional, be ready to kill. Sudden impact, death syndrome, cold as steel. Be polite, be professional, be ready to kill. Sign on the dotted line, blood in the quill. to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. This all built on syllables, systematically added and subtracted. You can feel the tight quality verse I crafted. Wide array of styles I done mastered. I roam the stage straight, I rock this shit plastered. Tossing monitors on Avenue A, way back in the day. Beneath the sheer terror of noise, boils pure anger with poise that left them toys awestruck. Left the center, but my core's that raw stuff. Paragraphs potent, pack the blast of a sword off. Keep that guard up before you get caught off. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. It's a jungle sometimes. It makes you wonder what creates this hunger. What makes a motherfucker give up so much of self? It can't just be wealth. Intangible angles, they definitely felt. Can my people forgive times traded for backstages? Blood spilt on blank pages. 20 plus in, I still ain't jaded. I won't front though, there's days that I hate it. The instability of life that keeps me stable. Blind passion for the mic and turntables. The irrational love for milk crates. The need to touch an MPC on every beat I make. These ain't recessive traits, they're well placed like selected breaks. When it's broke down, it comes down to taste. Every breath analog off 2-inch tape. Rare when dialogue don't match my tongue's back weight. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. I've heard applause and booze, yeah, my ego's been bruised. Travel silent paths and aftermath of disasters. Pain produces laughter, find silence in old tapes by the blastmaster. Never been gassed up, a realist on the mic. Surrealist when I write, perhaps my honesty. Got a couple niggas feeling tight, my mental feeling nice. Mind evolving, gathering strength from every moment I'm involved in. The answer and the problem, the past and the prospect. The kind of class so fast, you can't stop back this. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. Back to my roots, back to the truth. Back to the mic, on stage or the booth. When I was growing up, when hip hop was growing up, people used to tell us that, you know, this isn't music, that it's not gonna last, that this isn't real, it's not a genre, it'll be over tomorrow. And now, you know, 30-something years later, it's the most popular music on the planet. All I am is hip hop. All I am is hip hop. All I am is hip hop. I live and breathe it. Iconoclast. Iconoclast Roots. Dans le secret du son d'abat. L'album For The Ones, sorti chez Deadverse Recordings. Alors les mordus de hip-hop sombre et... limite industrielle. Voilà, auront reconnu la voix inimitable, insistante et percutante de Will Brooks, le MC Dialek, qui donne son nom au projet Dialek avec... Octopus. Voilà, le DJ, enfin DJ en tout cas, le... Producteur. Le beatmaker, producteur Octopus. Alors en l'occurrence Octopus est plus occupé actuellement à produire des tonnes de groupes divers et variés. On l'avait entendu d'ailleurs aux côtés de... C'était quoi? C'était Picor. Picor récemment et d'autres projets noise rock, voire Sludge Stoner l'an dernier. Je me souviens que c'était Starkweather qui avait été produit par Octopus, ouais. Voilà. Qui, du coup, Will Brooks a tout son temps pour lui et il revient back to the roots, back to ses fondamentaux hip-hop. Solide album, hein. Avec un album vraiment solide, très très, comme vous l'entendez, vous l'aurez entendu, très hip-hop, old school. Des mid-90s, quoi. Voilà, aéré, épuré, des samples qui font mouche, des scratchs par-ci par-là avec un DJ qui s'appelle Motive. Quelques featuring des copains du Deadverse Possine comme Audati ou Complex. Voilà, c'est vraiment un album qu'on vous encourage à aller pécho dans les bacs. On poursuit avec un retour très attendu. Ils avaient sorti un premier album il y a 2-3 ans, vraiment terrible. Je parle de Evidence avec le MC producteur du mythique groupe de rap Dilated People, et qui revient donc avec ce nouvel album solo qui s'appelle Cats and Dogs, qui est sorti en mois de septembre 2011 sur Realm Sayers. Voilà, et cet album vraiment où on retrouve Raekwon, Allo Black, Atmosphère, Control, et avec des prods Alchemist, Premier, Ricky, et bien vraiment c'est une grosse balle cet album. Et on va écouter un extrait de cet album Cats and Dogs. On va écouter l'un des tubes, hein, qui s'appelle You, avec une grosse prod de DJ Premier en grande forme. Et il s'avère qu'on va aller voir Dilated People dans quelques jours au Stereolux lors d'une grosse soirée. J'en salive d'avance. Ah ouais, j'en bave d'avance avec Dacefix et Shabazz Palaces. Et vraiment, c'est une très très belle soirée hip-hop qui s'annonce à Nantes. Et on vous en parlera peut-être si vous êtes sage. Evidence dans le secret du son là-bas. Let's go back in the music. As always, a lot of new music for this evening. Yo, that was the Evidence joint you just played, right? Yeah, that was, yeah, yeah. I don't need very, love. So. Very dope. Yeah, Ev is definitely like becoming one of my favorite MCs out there right now. Word up. Shout out to Ev, the whole Dilated crew. Let's get back into some music. And I'm on the Evidence project too. We did a banger, so it's going to be coming through. Yeah. Yo, microphone check, 1, 2. Yo, who's the one that's been running the race? Me. Who's the one that's been running in place? You. And who's the one you tried to find so tough, but the whole time was sitting right in front of your face? Yes, I'm on another level, I mean another label. Players don't die, we try luck at other tables. And when I lose, I learn, I'm still winning major. I jump forward then back and through the missing stages. A perfect day to make a perfect entrance. A perfect sentence I can't perfect, but I just keep pushing pencils. No fake trace stencils, and do it all by hand so they have respect. I know the feeling when you're dealing with accomplishments, wishing they would diss you instead of give you compliments. That's what made you who you are, know what you became. Part of being a star is getting burnt in flames. Kinda ill, the mind's a trip. 2020 when we broke, but blind when rich. I just see it as a sign, but kept rhyming instead, and keep lighting up these pads like Simon said. What? Who's the one that's been running the race? Me. Who's the one that's been running in place? You. And who's the one you tried to find so tough, but the whole time was sitting right in front of your face? Now I'm set, ready to jet. Now I'm set, ready to jet. Now I'm set, ready to jet. Jet. One's a lonely number, two's the first loser. So how the fuck can you win, become a drug abuser? Slapping these beats, I'm no snoozer. 6 million ways to die, go ahead and choose one. We from the same block, but all we getting is the same guap. I think one of us needs to shine, only room for one. One of us needs to go, a sinking boat and only one to survive. Caution at the wheel, west side when I drive slow. First sign of tidal waves when you see the tide low. Wanted for murder and theft, they said I'm liable. I shot the sheriff but didn't steal his rifle. I can't define what's real and what's imagination. Since I signed that deal before my graduation, I went from running track and field to tracks with field to Grammys with yay before late registration. Who's the one that's been running the race? Me. Who's the one that's been running in place? You. And who's the one you tried to find so tough, but the whole time was sitting right in front of your face? Now I'm set, ready to jet. Now I'm set, ready to jet. Now I'm set, ready to jet, jet. Fast forward, no kids, one car, no rolly, one crib. Trips to Chile with Kush in the Philly. Every journey starts with one step, that's on me. One foot in front of the other, like come on feet. One life, one love, at a G for one glove. For Mike, rest in peace, shot a bullet from one snub. I keep it pushing as one does. You only get one shot, one glance, one chance, one buzz. One never knows with hopes and dreams. The farther we fly, the closer it seems. Back to the one square. All I need in this life is one snare. One mic, direct flight, tonight one airs. One of a kind, still one to my grind. And it's still one time for your motherfucking mind. And I know when I flow that the rain soon comes. See, you might win some, but you just lost. Lost. Who's the one that's been running the race? Who's the one that's been running in place? And who's the one you tried to find so tough, but the whole time was sitting right in front of your face? Yeah. Now I'm set, ready to jet. We number one. Now I'm set, ready to jet. Now I'm set, ready to jet. Jet, jet, jet, jet. Now I'm set, ready to jet. ready to now I'm set ready to check, check. One. Eske nap rete N-O-N Fè san gen pou fenomen M-Pos yon fenomen Zim ki es kap detonem Nek sam koko wel Yap fè menas Men yo sof tan kou kotonel Lem more yal yo relem Bos yo relem kolonel Map toujou represent pou Haiti promè solonel Woy gen de jan nap menen Woy gen de jan yap leye Yo ka klasse pe im nan men nan men yo baka manyen Men yo di nou bagen fiti Nou ka gen turist, nou gen richesse, nou gen agriculture En plus nou gen rap city nan chak city cap Distribuye si nou gen ma bijon se banje cap Fin yo gad figure pou mwen son jouet E ma parye la via se an casino Ka sa se jis le poirye Faus Meze web tout moun drapo nan le vre Se trip nou vin trip aswer Jis le poirye Ou kon bagay yo deja Zion for life, leve drapeau yo. Rap pour Haïti, nous vite fait des zones là. Leve drapeau yo. Tout drapeau yo souke. Leve drapeau yo. Souke, souke, souke, souke, souke, souke. Leve drapeau yo. Poirier dans le secret du son d'Abba avec ce terrible extrait de ce nouveau EP qui vient de sortir début 2012, qui s'appelle Soca Road, voilà, sur... Une belle saloperie. Ah, une vraie saloperie, et je pense que sur les dance floors, bien lancé, je pense qu'il retourne le slip. Poirier, pff, c'est difficile, c'est incroyable ce personnage-là de Montréal, qui a fait ses débuts avec T-Maker, avec Michel Akiyama, et qui, en passant par la scène ambiante, minimale, etc., voilà, assez précieuse, finalement. Et qui manipulation digitale. Qui est complètement dans les années 2000 et à l'écoute et en continuant d'écouter de la musique globale, ethnique, etc. En passant par le hip-hop électro, puisqu'il il est passé par Chocolate Spawn Industries pour aller ensuite vers Ninja Tune. Voilà, c'est d'ailleurs qu'aujourd'hui il est labellisé chez Ninja Tune, mais il fait des prods un peu partout, il fait des remixes un peu partout, c'est innombrable. En tout cas, Poirier, c'est l'un des grands noms de la scène électro-globale, ethnique, comme vous voulez, du moment. Et ce maxi, il est vraiment très réussi, et je vous le conseille vivement. Ghislain Poirier. Ghislain Poirier pour son petit nom. On revient dans nos terres l'orientaises. L'orientaise, on va annoncer une petite soirée qui se déroulera à la mi-mars, dans très très peu de temps, donc pour les auditeurs qui découvriront cette émission online. C'est le 17 mars, une jolie soirée électro, justement. On va rester dans les bidouillages et les machines au manège, donc avec D-Damage. Qui faisait il y a très très peu de temps la couverture de Noise Mag, des frangins Anak qui, ça fait 15 ans, qui traînent leur guêtre dans l'électro-rock, et voilà, avec succès. Date Politics, des revenants, ce qui me concerne, ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus. Et puis pour ouvrir le bal, Mistress Bombass et Jean Ferraille, dont on va écouter un extrait de leur album, j'allais dire commun, c'est l'album de Mistress Bombass produit par Jean Ferraille. Ça s'appelle Cats sur l'album Nine Pictures pendant que David fait des grimaces. C'est parti. Like very long. comme un diamant de vinyle qui trimballerait ses 10 grammes de poussière. Étrange atmosphère noyée de réverb avec Ella Orleans. Donc, qui sera en concert dans une très très belle soirée qui s'annonce au Manège dans le cadre du festival itinérant Les Femmes S'en Mêlent avec Dylan et Elma Wagner. Vraiment une très belle soirée pop, folk, un peu décharnée, un peu étrange avec, aux atmosphères. Pleine de réverb. Ce sera donc le 21 mars au Manège à Lorient. Donc Ella Orleans, on vient de s'écouter Take My Hand, un extrait de son album tout récent Mars is Heaven, sorti sur la station Radar et Atelier Ciseaux, donc des labels français, d'après ce que je crois comprendre. Elle nous vient de Plymouth. J'imagine qu'il y a un petit buzz qui se crée autour de son univers qui est très dans l'esprit du moment. Mi-crowd, mi-blues. Par moments, on pense aux Doors et un côté psyché-rock. Il y a une espèce de pop comme ça, un peu spectral. Des plans un peu rythmiques à la trip-hop, un peu bristolienne. C'est tout à fait dans l'esprit du moment et c'est plutôt bien senti. Moi, j'ai passé un agréable moment à écouter ce disque et j'y reviendrai. C'est assez attachant. On a hâte de voir ce que ça pourra donner au manège, scène, ouais. Au manège. Une soirée à pas louper. Ah, Lorient. On enchaîne. On va rester à Bristol. On était à Plymouth. On va rester sur la côte. On poursuit le trait de côte. On va à Bristol avec le label Subtext, le label de Rolly Porter. Vex D, on avait passé un extrait de After Time, son album sorti en 2011. On reste en 2011 avec un album qui s'appelle Demiurge du projet Empty Set que j'avais sous le coude depuis un bout de temps, qui m'avait été chaudement ou froidement, ça dépend comment on l'entend, déconseillé, mais avec des pétillements par les amis de Phonophone qui m'ont dit c'est vraiment que t'écoutes ça, et en effet c'est assez énorme. Alors il y a des gens qui sont restés complètement à côté. Je pense à Azam de Vimental qui vraiment est resté en dehors du disque. D'autres ont plongé comme moi. C'est vrai que c'est comme une sorte de monolithe. Comme si tu te prends un mur de béton sur la tronche, ça fait pas forcément du bien. C'est un peu l'effet que ça produit, ce Empty Set. Il y a beaucoup de vide et puis d'un seul coup des sons fracassants. C'est la techno minimale poussée ou l'électro et le minimal poussé à l'extrême avec cette notion de vide et puis de fracas l'instant d'après. C'est saisissant. C'est effectivement pas forcément complètement personnel. Au début on se demande vraiment où ils veulent en venir, est-ce que c'est musical, est-ce que ça ne l'est pas, et puis soit on passe à autre chose, soit on persévère. C'est mon cas et j'ai vraiment adoré ce disque qui s'appelle donc Demiurge. On va s'écouter le morceau bien nommé qui s'appelle Void, et je vous encourage à en faire l'expérience. Ça fait un peu passer les Panasonic pour un groupe de soul, mais bon, il va falloir s'accrocher parce que moi je n'ai pas écouté le disque, mais c'est Panasonic, c'est un peu. Et si j'exagère, faites-le moi savoir. C'est Otis Redding, mais alors attention, accrochez-vous. C'est parti. We'll be right back. Oyars dans Le Secret du son d'Abba. Oyars et Letton, on l'avait repéré grâce à sa collusion avec le gang de Birmingham 3x3, Cloaks, Dead Feather. Il avait participé à la série des remixes de l'album Versus Grain, sorti l'an passé. On en avait diffusé un extrait, on avait dû diffuser l'extrait, le remix par Justin Broderick. C'était à l'époque où on faisait des rubriques Justin Broderick. Tiens d'ailleurs, que devient-il? Alors vraiment là, il se prépare pour son la soirée qu'il parraine pour le Roadburn 2012. Trois soirs en fait. Trois soirs. Alors, en fait, il parraine, parraine le festival. Presque. Presque. Quoi qu'il en soit, revenons en Lettonie. Avec donc Oyars, c'est vrai que les projets de ce secteur-là, de ce secteur géographique, ne sont pas légion, en tout cas dans les registres électro qu'on a l'habitude de diffuser et d'écouter. On est vraiment dans un univers qu'on affilié à la scène, on va dire. D'Europe de l'Est, en tout cas d'Allemagne, etc., autour de Hansen et Ad Nauseam. D'ailleurs, c'est Ad Nauseam qui va sortir le prochain album de Oyars, un album qui s'appellera Bads et qui va sortir courant printemps. Là, on pense à Marching Dynamics, à S-Cage ou à d'autres. Hein. Je veux dire, il y a bon nombre de projets dans ce registre-là qui mélangent des choses relativement. Enfin, une école rythmique noise et puis des canevas digitaux propres à l'électronica des années 90, ça donne quelque chose comme on l'a entendu, enluminé, limite illuminé, monastique par moment, assez agréable à l'écoute. En tout cas, moi, c'est vraiment une école que j'ai. Il y a un petit côté un peu néo-indus quand même, monsieur Melon. Bon, quoi qu'il en soit, l'album Oyars und Drogi, qui signifie en letton Oyars and Friends, Oyars et ses amis. Donc c'est une production en libre téléchargement depuis le compte WordPress de Oyars, que je vous encourage à aller découvrir en attendant d'aller vers l'album Bad à sortir sur Ad Nauseam ce printemps 2012. On va se quitter avec un album de 2011, un très joli album de Sidi Touré, sorti sur Street Jockey. Avec une somptueuse pochette réalisée par Amélie de Fort Damage, le groupe de noise rock de Nantes qui est en train d'enregistrer son troisième album à sortir en avril 2012. Donc on va écouter se quitter aussi sur Sidi Touré. Sahel Folk, en fait, c'est le nom de l'album et ça résume complètement l'esprit de ce disque. C'est épuré, en même temps, c'est quand même assez bien produit. C'est pas non plus cheapos. Hein, c'est pas lo-fi. C'est pas du tout lo-fi. Mais en même temps, voilà, c'est épuré, c'est subtil. Et assez beau. Et c'est beau. On écoute. Pour se quitter dans Le Secret du son d'Abba, on se dit à très bientôt. Bonne nuit, merci David. Bonne nuit, monsieur Melon. Et, bonjour, monsieur Grégoula. Ça dépend toujours à quelle heure écoute les. Il est 8h, tu es dans le métro parisien et tu écoutes Le Secret du son d'Abba. À toi, on pense à toi. Ciao. Halo ya banda, Yusufi, Yusufi. ni banalo yose ngungu jo gorongo ni hongo jidin bine ngungu jo gorongo yo hembo ngungu jo gorongo ni hongo fajar wati ngungu jo gorongo yo hembo ngungu jo gorongo ni hongo fajar wati ngungu jo gorongo yo hembo tafurul animali banalo yose Tafurul ladimani bangalo yese